rubrique des petits conseils d'auto-soins numériques des Tati Geeks. Le 3 et 4 juin 2023, à Vaux-en-Velin, se déroulait la première rencontre du réseau Big Data, un réseau de bibliothèques et d'archives queer et féministes. On y était, avec le studio mobile prêté par les camarades de Radio Canu, pour retransmettre en direct sur la web Radio Rageuse les tables rondes organisées pour l'occasion. Alors je vous propose d'écouter l'enregistrement de la table ronde intitulée « Archives égale vie ». C'est avec Roméo, de Mémoire minoritaire à Lyon, Malo, de Derrière les fagottes à Toulouse, et Morgane, archiviste chez AIDS. Elles viennent partager leurs pratiques et leur expérience des archives communautaires LGBTQI+ en France. L'enjeu, ouvrir des pistes pour se défaire des chaînes patrimoniales et construire des boucles mémorielles communautaires et positives. Et c'est passionnant. Bonsoir, je m'appelle Roméo, je suis de Mémoire minoritaire et là on organise les rencontres Big Data qui rassemblent un petit peu les différentes initiatives de mémoire, d'archives, de bibliothèques LGBTQI, francophones du coup, puisqu'on est en contact avec aussi les archives gays du Québec avec la Suisse désormais. Et il y a des villes d'un petit peu de partout qui sont présentes et des collectifs d'un petit peu de partout. Il y a Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nice, je vais en oublier, ils vont me détester. Paris, Lyon, puisqu'on est deux à Lyon aussi, avec la bibliothèque du centre LGBT qui est arrivée. Il y a Montpellier, j'en ai oublié plein. Bienvenue, c'est nos premières rencontres et du coup on est très heureuses d'être parmi vous. Et pour cette table ronde, on va un peu vous expliquer c'est quoi aussi notre philosophie, c'est quoi l'archivage communautaire, pourquoi on parle d'archives égale vie. J'ai avec moi deux personnes que je vais laisser se présenter, qui sont Morgane et Mathias. Bonjour à tous et à toutes, donc moi c'est Morgane, je suis militante et archiviste au sein de l'association AIDS. Donc AIDS c'est une association communautaire de lutte contre le VIH, SIDA et les hépatites virales. Moi je m'appelle Mathias, je suis à Toulouse et je suis jeune chercheur en histoire. Et je travaille sur finalement l'histoire des mouvements homo dans les années 70 et 80, plutôt en France. Pour vous faire un peu le topo, on est un peu à trois endroits différents du travail autour des archives LGBT. Du coup, on voulait un peu vous faire un retour d'expérience de qu'est-ce que ces différents endroits aussi nous font réfléchir, nous questionnent, les violences aussi qui peuvent se présenter à nous de certaines institutions, les violences mémorielles. Donc l'idée, c'était un peu d'avoir ces différents retours d'expérience et un peu de vous parler de notre pratique. Morgane, tu peux un peu nous parler de l'archivage communautaire que tu mènes à AIDS. Pour présenter un petit peu la situation, donc AIDS n'est pas une association LGBT, c'est important de le préciser. On est une association communautaire pour et par les personnes séropo et toutes les communautés, tous les publics concernés par ces problématiques. Pour parler archives, je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans en tant que stagiaire. Auparavant, j'avais rencontré la démarche communautaire à travers l'associatif trans notamment. Donc je suis arrivé en fin d'études et j'arrive chez AIDS, qui est une grosse structure quand même, puisqu'on est à peu près 500 salariés, on doit être à 2000 volontaires. Donc j'arrive pour mon premier vrai poste et on a 1 km d'archives linéaires et une capacité d'un 1,5 km, donc un truc assez énorme. Ça représente quoi 1 km? Tu peux un peu nous... C'est quoi un terrain de foot c'est beaucoup. On a 5 au siège de l'association qui a Pantin. On a 5 caves de tailles différentes, mais assez conséquentes et bien chargées. Plus des archives un petit peu partout, dans tous les lieux de mobilisation de AIDS qui sont partout en France métropolitaine, mais aussi dans les Caraïbes. Donc voilà, moi j'arrive face à ça sur un poste en fait qui est pérennisé depuis très peu de temps. C'est seulement depuis 2018 qu'il y a eu une pérennisation du poste d'archiviste. Et auparavant, il y avait eu par intermittence des contrats assez courts et il n'y avait pas eu de réflexion sur les archives en fait. Donc il y avait vraiment cette idée que les archives c'était quelque chose qui prenait de la place, on ne savait pas trop quoi en faire. Donc, j'arrive sur ce poste qui est rattaché au service logistique. Donc, c'est assez révélateur que ce soit dans les logistiques. Bon, voilà, c'est de la documentation, c'est du matériel. Ça prend de la place, donc on le met dans les caves en attendant. Et j'arrive là-dessus. Et puis, j'étais un petit peu dépassé dans un premier temps. Je ne savais pas trop comment prendre la chose. Parce qu'il n'y a pas vraiment de politique d'archivage pour l'instant. Il n'y avait pas de réflexion. Donc, j'ai passé 6 mois, 1 an qui était assez difficile au début, et puis je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, il fallait politiser l'archive, et puis voilà, qu'il y avait une réflexion à avoir. Être archiviste, c'est parfois assez compliqué, où on peut passer ses journées enfermées dans des caves à faire du tri. C'est un métier qui peut être assez rébarbatif et assez routinier, en fait, et je voulais faire quelque chose de plus intéressant, et surtout je me disais, Aide, c'est une asso communautaire, et nos archives, je trouvais que c'était intéressant que ce soit d'abord des archives qui se tournent vers les communautés concernées par le VIH-SIDA, donc vers les militants de l'association, et pas seulement vers les chercheurs. Parce qu'il faut savoir qu'on a un contrat avec les archives nationales, une espèce de convention cadre qui a été signée il y a longtemps maintenant, et on a les plus vieux fonds de l'association qui sont actuellement aux archives nationales. Donc j'arrive là-dessus et puis je vois mon poste, où en gros mon travail c'est de faire le taf pour les archives nationales, de faire tout le boulot un peu ingrat de collecte et de traitement pour ensuite qu'il y ait un dépôt aux archives nationales. Et je trouvais vraiment pas ça intéressant, parce que sur 1 an et demi par exemple, il y a eu 4 chercheurs qui ont accédé au fond. 4 chercheurs, c'est rien du tout. Je trouvais ça assez révoltant. Donc, j'ai dans un premier temps, j'ai vraiment fait un plaidoyer en interne pour leur faire comprendre que les archives c'est pas que de la masse, c'est surtout de l'histoire, c'est de la transmission, c'est de la mémoire, et qu'on peut en faire quelque chose, qu'on a la possibilité de faire quelque chose autour de ça. Donc ça a été beaucoup rencontrer les gens en interne, rencontrer les militants. Je suis aussi volontaire sur le territoire d'Action de Paris, où je passe du temps à parler avec des élus de l'association. Faire vraiment du plaidoyer dans tous les services, leur faire comprendre que les archives, c'est hyper intéressant, c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est hyper important. Il y a une rubrique archives dans le journal de l'association. Enfin, j'ai utilisé un petit peu tous les moyens que j'avais à ma disposition au sein de l'association pour faire passer un message de politisation de l'archive. Donc ça a commencé à décoller. Par la suite, on a même mis en place une exposition qui a super bien marché. C'était à l'occasion du 1er décembre. Pour le coup, j'étais la seule archiviste. Tous les autres, c'était des militants de l'association. On a fait un truc on en parle encore aujourd'hui. Ça a bien fonctionné. Donc, il y a vraiment une espèce de montée en puissance. En plus, il y a les 40 ans de l'association qui arrivent. Il y a une vraie demande de la part du terrain, et je suis de plus en plus sollicité, les archives sont de plus en plus sollicitées pour vraiment être ancrées dans la question de la transmission. En fait, où il y a cette mémoire qu'on doit faire vivre, justement, archive égale vie, archive égale transmission de la vie. C'est une manière de donner du sens aux actions qu'on peut faire quand on est sur le terrain, quand on va faire des actions dans des lieux de rencontres extérieures, quand on va dans les saunas, quand on va dans ce genre d'endroit, c'est intéressant, je trouve, de s'inscrire dans cette continuité en fait, qui nous dépasse largement, s'inscrire dans une espèce de collectivité où on n'est pas seulement seul à faire notre action de temps en temps. Donc, il y a vraiment un besoin de politisation, avec une discussion en interne, potentiellement le service archive va faire en sorte que la transmission soit au cœur de mon taf, en fait. Après, pour parler un petit peu des archives nationales, justement, ce qui était assez symbolique avec l'exposition qu'on a montée avec les militants, c'est qu'il n'y avait rien sur les années 80. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu sortir d'archives des années 80. Pourquoi ? Parce que toutes ces archives-là sont déposées aux archives nationales. Et de fait, on ne peut pas y accéder, en fait. Même nous, Aide est encore propriétaire de ces archives. On ne peut pas y accéder, ou en tout cas difficilement. Donc ça ne se prêtait pas à ce qu'on faisait en termes de transmission. Donc moi, je trouve ça assez questionnant. Après, c'est pas moi qui la main là-dessus. Moi, je suis juste salarié, donc c'est aussi des décisions qui se prennent de manière collective au sein de l'association. Mais c'est quelque chose qui, je trouve, peut être vachement bloquant quand on voit qu'il y a 4 chercheurs sur 1 an et demi qui accèdent, alors que quand on fait une expo à 9, qui nous a absolument rien coûté d'ailleurs, on a 200 personnes sur la journée et des gens qui, 9 mois après, en parlent encore. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion à faire, en fait. Et les chercheurs sont importants. Mais je trouve que l'archive militante doit revenir avant tout, en tout cas dans une association comme Aide, aux militants de l'association. Et du coup, comment moi je suis arrivé un petit peu à tout ça, ça remonte du coup à quelques années. À la fin des années 2000, j'étais à Brest, en Bretagne, et on squattait. Et là, il y a une amie qui est venue et qui m'a tendu une brochure. Et cette brochure, c'était le rapport contre la normalité du phare. Et comme là, vraiment, ça a été une espèce d'explosion, je pense. D'un coup, en fait, j'ai compris qu'on pouvait être PD, qu'on pouvait être révolutionnaire, que les deux pouvaient aller ensemble. Et ça m'a vraiment comme bouleversé. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve... il faut que je trouve ces histoires, en fait. Et bah voilà, je me suis rendu dans les bibliothèques, dans les librairies. Et force est de constater, et j'imagine que vous le savez par vous-même, que ben, il n'y a rien, ou très peu de choses. Et du coup, je me suis dit, oh waouh. Et du coup, à l'époque, comme probablement j'étais un peu comme naïf, et un séjour à Paris, je me suis dit, bah tiens, je vais aller à la BNF voir, bah, peut-être je vais pouvoir consulter des trucs. Et je me suis retrouvé à la BNF, mais bah, j'étais personne. Et du coup, bah, on ne m'a pas laissé rentrer. Et j'avais pas de carte, enfin voilà, je maîtrisais pas du tout finalement ce cycle, enfin ce processus de comment est-ce qu'on accède finalement à ces archives, et d'autant plus quand elles sont institutionnalisées, quand elles ont été déposées dans les institutions. Bref, les années passent et je me retrouve à Toulouse et j'avais du temps. Et du coup, je me suis relancé dans les études en me disant, bah voilà, peut-être que maintenant c'est le moment de me lancer dans tout ça. Et du coup, ben, de fait, par le statut, par l'université, j'ai pu accéder à des fonds, à des archives. Mais ça a été aussi une histoire particulièrement compliquée. Vous savez bien que donc on n'a pas de centre d'archives institutionnelles communautaires en France, ou en tout cas à l'époque, au début des années 2010, à part ma mémoire des sexualités, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, ça a été une espèce de chasse au trésor à mettre en place au fur et à mesure du temps. La première chose qui s'est passée, c'est que je me suis retrouvé à Marseille, à Mémoire des sexualités. J'ai rencontré Christian Deleuze, dont on a parlé ce matin. Et c'était un peu la première personne, le seul contact qu'on m'avait donné. Et après l'avoir rencontré, il m'a présenté son fond. C'était une belle rencontre. Et à ce moment-là, il m'a dit « Ah bah tiens, peut-être que tu pourras aller voir un tel, une telle. » Et comme ça, progressivement, il y a une espèce de constellation qui s'est mise en place. Moi, c'était cette période-là, des années 70, des années 80, qui me paraissait particulièrement intéressante, passionnante pour moi. Et je me suis retrouvé, enfin, on se retrouve confronté à la question de l'urgence. L'urgence de ces militants, de ces militantes qui, pour celles qui n'ont pas été emportées par l'épidémie du VIH-Sida dans les années 80-90, en vrai, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont en train de vieillir. Et c'est des personnes qui souvent n'ont pas de famille, en tout cas pas d'enfants. Et du coup, quand ben, ces personnes décèdent, on se retrouve face à une situation où la famille débarque dans l'appartement, récupérer l'appartement, vendre l'appartement. Et donc, ben, les cartons d'archives, c'est du papier. Qu'est-ce que ça vaut ? Ça se retrouve sur le trottoir. Et il y a tellement d'histoires qui sont perdues. Et du coup, pour moi, je pense, au-delà d'écrire cette histoire, il y a cette urgence à récolter ces paroles, à trouver les personnes qui ont eu cette perspicacité de garder ces archives, qui ont la perspicacité de garder ces bouts de mémoire, de bouts de vie, pour pas qu'elles se perdent. Parce que si on les a pas, on n'a plus d'imaginaire, on n'a plus d'histoire, et on en a besoin pour nourrir nos luttes. Et moi, je voulais un peu aussi illustrer ce moment de prise de conscience politique. Moi, j'étais bénévole dans un festival de cinéma LGBT à Lyon. Moi, j'étais en master d'histoire, pas énormément politisé. Et puis, on nous a demandé d'archiver le festival. Alors, du coup, moi, j'étais en histoire, donc les premières personnes que je vais voir, c'est des archivistes. Sauf qu'à Lyon, il y a eu un processus qui s'est monté depuis des années et les archives LGBT doivent être déposées à la bibliothèque municipale. Soi-disant, il y a un service qui est dédié pour. Et je rencontre la personne qui me dit qu'elle ne travaille pas avec les associations et du coup, qu'elle n'a pas les moyens d'agir. Ok. Donc je vais voir ailleurs. Je vais voir les archives départementales. Qui m'ouvre grand les bras, voilà. Donc on a la bibliothèque municipale qui me dit qu'elle n'a pas les moyens, mais qu'elle est intéressée, et de l'autre côté, l'archive départementale qui m'ouvre grand les mains. Bon, petit soldat, je fais un petit inventaire, tout ça, c'est super. Le fond est assez extraordinaire, si vous voulez le consulter, d'ailleurs. On a archivé le premier scénario le scénario non censuré de Call Me By Your Name, voilà, de James Ivory, avec tous les passages où normalement Timothée Chalamet devait faire des trucs un petit peu plus crades. Bref. Et oui, ça existe, et c'est aux archives départementales. Et personne n'a jamais consulté le fond, d'ailleurs. Et le jour où on a fait le dépôt, on a reçu un coup de fil du coup de la mairie de Lyon, qui à l'époque était l'ancienne équipe, qui a insulté et engueulé en fait le festival et l'équipe du festival en disant c'est n'importe quoi, il faut que ça aille à la bibliothèque, voilà, et qui en arrivait en fait à un chantage à la subvention. Et du coup là, ça a été un peu le déclic où je me dis pourquoi. Il y a tout un problème de millefeuille administratif. Et en fait, ils se tirent la bourre entre institutions parce que la municipalité, ce n'est pas le département. Et donc, il faut valoriser dans la municipalité. Alors, pourquoi il faut valoriser dans la municipalité? Parce qu'il y a des gains symboliques, en fait, à valoriser là. Et que, du coup, eux, ça leur permet après de faire des expos. OK. Mais du coup, c'est pas la volonté en fait de l'association, alors qu'elle est propriétaire de ses archives. Donc il y a un problème quand même. Et donc à partir de là, il y a eu tout un cheminement qui s'est mis en place, et notamment sur aujourd'hui, ce que j'essaye de faire en fait, c'est de référencer et de collecter toutes les violences mémorielles auxquelles les communautés LGBT font face au quotidien. Et ces violences, elles sont extrêmement diverses et multiples. Habituellement on dit oui, les archives c'est fragile, ça brûle. Ça c'en est une, mais il y en a plein d'autres en fait. Il y a des violences d'effacement, il y a des violences de réécriture. Dans les musées, on parle des deux amis qui se tiennent la main. Nous en fait, ils étaient pédés, ils étaient ensemble. Il y a tout ça en fait qui se passe dans le processus un peu de patrimonialisation dans les institutions publiques. Et l'idée, c'est pas d'être contre les institutions publiques, où c'est cool, hein, les fonctionnaires, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a de la politique derrière, et il y a de la politique mémorielle. Et que ça, il faut que les communautés LGBT aient en charge ça. Donc c'était un peu la conclusion de ce processus. Et donc ça m'a un peu politisé aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi rencontrer Mathias, qui avait organisé à Toulouse les premières rencontres sur les archives TPG, et qui a été un peu le moment aussi où il y a un peu cet écosystème et ces constellations d'envie d'archives indépendantes qui sont un peu lancées. Mais Mathias, toi, tu es aussi chercheur, et donc tu en as fait un objet universitaire, et je sais que tu as aussi à cœur d'en faire pas qu'un objet universitaire, mais de réirriguer les luttes et de à quoi ça sert. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, ou tu essayes de faire ça? Je pense déjà, il y a ce truc là en histoire dont on nous parle en permanence, qui serait l'objectivité et la neutralité, qui est vraiment du bullshit, quoi. Moi je pense au contraire, c'est vraiment le fait d'être PD qui m'a permis qui me permet de pouvoir travailler sur ces histoires de façon peut-être un peu plus communautaire. Effectivement, je suis inscrit dans le cadre de l'université, mais en vrai, ce travail n'est pas du tout destiné à l'université. Il me donne le cadre pour pouvoir le faire, il a les accès. Mais en vrai, l'enjeu pour moi, c'est vraiment pouvoir justement, une fois que ces recherches elles sont faites, de pouvoir les diffuser au plus grand monde, à mes communautés. C'est aussi ce qui m'a permis, en réalité, d'être PD, de pouvoir accéder à des personnes, de créer des tissés, des liens de confiance avec d'anciens militants, militantes des années 70 et 80, qui probablement n'auraient pas raconté les mêmes histoires à un chercheur ou une chercheuse hétéro, etc. Et du coup, je pense que ça, il y a tout un enjeu autour de comment est-ce que je veux faire ces recherches, comment essayer de les faire éthiquement, en tout cas qui ressentent dans un cadre de recherche qui me parle. Et effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de militants, militantes, avec qui on a passé, pour un certain nombre qui sont devenus aujourd'hui des amis, je pense. De prendre le temps, c'était pas genre de juste demander un entretien de 2 heures et de repartir, mais au contraire de passer une journée, une soirée ensemble, de leur donner un droit de regard sur tout ce que je fais. Par exemple, si je fais un entretien avec une militante, c'est d'abord comme l'entretien que j'ai fait, je le retranscris. Et la personne à qui j'ai donné l'entretien a le droit de modifier supprimer, bref, elle a le droit sur sa propre parole. Et ensuite, à partir du moment où je commence à écrire des choses, par exemple là-dessus, pareil, j'envoie tout, je redonne tout à ceux, à celles qui ont participé à faire cette histoire, pour avoir leur regard, pour avoir leurs avis, leurs corrections, et aussi tout simplement de, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai fait, de pouvoir enlever tout simplement, parce que c'est leur parole, c'est leur histoire, c'est fait pour nourrir nos imaginaires, mais c'est leur vie, et du coup on ne peut pas en faire n'importe quoi. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça hyper important, hyper intéressant. En tant qu'archiviste chez Edge, j'ai été beaucoup sollicité par des étudiants et par certains chercheurs qui, en fait, une fois qu'on leur a donné l'info, disparaissent complètement des radars. Et moi, ça me questionne beaucoup. Je sais que maintenant, je vais être beaucoup plus dans une forme de prudence parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait parfois le travail à leur place. Notamment certains étudiants où j'ai carrément envoyé plusieurs pages de production écrite que j'avais moi-même préparées. Je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. Donc potentiellement, j'ai donné une note à quelqu'un sans le... Voilà. Donc c'est vrai que parfois, il y a cette logique un peu de consommateur de la part de certains chercheurs, certains étudiants. Quand on est militant, c'est très questionnant et ça oblige à peut-être repenser la chose, qui est une espèce d'égalisation dans potentiellement un rapport de pouvoir. On n'est pas seulement là pour fournir de l'information, mais qu'il y a aussi un échange. Et voilà, moi j'aurais aimé par exemple que les chercheurs en question, les étudiants en question, me renvoient par la suite la production finale. Ça aurait été un minimum de leur part, mais ça ne s'est pas fait. Après, c'est aussi de ma faute parce qu'il n'y a pas de cadre qui a été posé, l'association n'a pas posé de cadre. Mais voilà, on apprend aussi nos erreurs et c'est comme ça qu'on se dit ensuite, il y a potentiellement une diffusion du travail final. Enfin, c'est toujours intéressant. Mais voilà, c'est important aussi de penser à ce genre de choses et ça me paraît assez essentiel. Tu es aussi membre du nouveau collectif qui traite des archives TPBG à Toulouse. Est-ce que c'est aussi une manière d'apporter aussi tout ce que tu as vécu et aussi, je pense que tu t'es confronté à pas mal de murs ou de difficultés. Est-ce que, du coup, tu peux un peu nous expliquer un peu ça et, du coup, comment tu penses peut-être aider les militants, les militantes à mieux avancer, à mettre un peu d'huile dans les rouages par rapport à ça, quoi? Par rapport aux institutions, moi c'est la guerre en fait, un truc de je sais pas, je peux par exemple raconter une histoire qui est de, j'ai cherché à avoir accès aux archives de la préfecture de police de Paris et ça a été comme long, très long. Enfin d'abord j'ai dû aller une première fois sur place pour pouvoir faire un dossier pour essayer de demander ces archives et les archives, enfin c'est pas des archivistes en fait, c'est des keufs qui tiennent les archives et j'ai bien vu qu'ils faisaient tout pour m'empêcher d'accéder à ces archives et ça a mis deux ans et demi pour que je puisse y accéder et il a fallu quand même que j'ai l'aval du préfet de la préfecture de police de Paris qui à l'époque était l'allemand, disait l'allemand, voilà, c'était toute une histoire et en réalité c'était vraiment décourageant et du coup vraiment la perspective de déposer ces archives dans des institutions me paraît comme relativement compliquée et dangereuse. Je peux raconter une histoire, c'était je pense il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai reçu un mail un matin d'une personne qui était comme dans le sud-ouest de la France, sans trop préciser où, qui disait j'ai cherché sur internet qui pouvait s'intéresser à ces questions d'histoire, de mémoire, d'archives, et j'ai trouvé votre nom. On n'est pas dans les histoires des années 80, quoi. Ça existe encore toujours aujourd'hui, qui disait que son meilleur ami venait de mourir. Il savait que la famille allait arriver le lendemain, et il y avait comme une espèce d'urgence à venir récupérer les journaux, les tracts, bref, un peu tout ce que cette personne avait gardé. En 3 heures, j'ai répondu, et j'étais prêt à choper un camion, je ne sais pas où, et à traverser, enfin je ne savais même pas où est-ce qu'il fallait aller, mais il y avait vraiment l'objectif de dire ok, j'y vais et je récupère tout avant que ça disparaisse parce que c'était le risque. Et en fait, le lendemain matin, j'ai reçu un mail qui m'a dit en fait, la famille est passée et il n'y a plus rien, c'est foutu quoi. Et ça a été vraiment comme, vraiment très déchirant de se dire qu'il y avait vraiment une histoire là qui venait de disparaître. Et donc j'ai l'impression que peut-être la place que j'ai l'impression que je peux occuper, c'est justement du fait de cette position de chercheur machin, d'articuler des contacts avec les militants, militantes de l'époque et comment dire, essayer de les pousser à donner leurs archives, à les partager. Il y a une autre histoire comme ça d'un militant avec qui j'étais en contact par mail en Normandie, qui vivait dans le bocage normand. Et ça faisait plusieurs mois qu'on était en train de discuter. Et puis un matin, il me dit, écoute, j'ai des gros problèmes de santé. Je sais pas si dans un mois ou deux, je serai encore là. Du coup, est-ce que je peux t'envoyer mes archives? Et effectivement, du coup, deux semaines plus tard, je recevais un carton, enfin un colis, avec toutes les archives. Et c'était assez incroyable. L'émotion était vraiment très forte en ouvrant ce colis. Mais il y avait une espèce de certitude que, comment dire, ces archives, elles n'étaient pas pour moi. J'ai pu les numériser parce que c'est ce que je fais. Mais en tout cas, comme elles m'étaient absolument pas destinées à moi en tant que personne. Et du coup, comme trois mois plus tard, je suis passé par Marseille à Mémoire des Sexualités et j'ai déposé du coup ces archives à ce moment-là. Et voilà, du coup, peut-être, c'est peut-être un peu la position que je pourrais essayer d'avoir en étant un espèce de passeur. Je trouve ça... le fait que tu aies été identifié comme une personne ressource, c'est aussi important pour l'aspect communautaire de tout ce qu'on veut faire, parce que c'est pas les archives institutionnelles qui vont faire ce travail là en fait. Il y a plein d'archives de nos communautés qui ont disparu parce que leur priorité, déjà, c'est plutôt les archives des administrations publiques. Donc d'un point de vue déjà de leur point de vue, c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. Ils vont avoir quelques fonds LGBT ou quelques fonds sur le VIH/SIDA, mais voilà, on perd énormément de choses et on n'a pas forcément conscience de ce qu'on a perdu. Donc c'est aussi l'intérêt de cette démarche communautaire et de cette multiplication d'initiatives à laquelle on peut assister aujourd'hui, qui me paraît absolument indispensable et importante. Et je trouve même que d'un point de vue un peu stratégique, bon, c'est le discours que j'ai un petit peu aussi en interne, c'est qu'en fait on fait de la collecte d'archives que les institutions ne vont pas faire. Donc ça donne aussi une légitimité pour l'approche, et c'est une manière de dire, bon, on n'est pas forcément en train de faire de la concurrence, ça me paraît essentiel. Et du coup, là, on vous a un peu déprimé sur le fait que les archives disparaissaient et tout ça, mais Benoît, je sais pas si je peux te donner le micro, mais on s'est eu au téléphone cette semaine parce qu'on fait du coup ce travail de réseau et de mise en commun aussi, voilà, tout ça, et tu m'as un peu appelé justement pour aussi une espèce d'urgence. Parce qu'il y a eu un décès d'une militante historique à Nice. Et donc, vous êtes en train de monter un nouveau collectif à Nice. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce qui s'est passé et comment vous avez fait? Donc là, je suis à ma troisième pinte. Non, sachez-le, ce n'était pas du tout prévu. D'habitude, je suis plus sérieux. Pirate. On a expérimenté en fait une situation d'urgence, et merci, tu as été là et tu nous as rassurés, tu nous as accompagnés. Mais c'est vrai que le moment était un peu fort. Bon, c'est une personne qui était très très présente et très emblématique de la communauté, sans pour autant être militante. Et on s'est aussi rendu compte que les personnes qui étaient en charge finalement, tout simplement de vider cet appartement, pas du tout en fait d'avoir la notion de qu'est-ce qu'il y avait dans cet appartement et quelle était la valeur en fait de ce qui s'y trouvait, nous ont fait confiance parce qu'on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et que finalement ils ont compris, elles ont compris. Et c'est vrai qu'on a été un peu surpris parce que on a dû finalement en une demi-journée expérimenter ce que tu nous avais un peu présenté de manière théorique en fait dans l'atelier que tu avais animé. C'était cette idée de constitution de fonds, parce que le fonds n'existait pas, en fait. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on garde ? Avec Jean-Pierre, on était très démunis, parce qu'il y avait à la fois une urgence et en même temps une profusion, en fait, de choses. On était très émus, et c'est là où je te rejoins, en fait, sur l'idée que, finalement, les personnes qui étaient présentes et qui étaient là vraiment pour un truc très pragmatique de vider un appart, en fait... au fur et à mesure de la manière dont on présentait les choses, de la manière dont on ouvrait les albums photos, de la manière dont on parlait des éléments qui étaient dans le lieu, ils ont compris en fait. Et même on a eu des moments en fait, ça a pris beaucoup plus de temps parce que il a fallu regarder les photos, se rendre compte que certains étaient présents et présentes. J'ai même eu le plaisir de voir que des objets redevenaient des objets en fait importants en fait. On a des albums qui nous ont été récupérés en fait en disant mais non celui-là je le garde parce que pour le coup c'est je suis dedans, c'est important. Donc c'était assez beau en fait par rapport à ce que tu nous disais sur les différentes différents stades d'archives qu'il y avait des choses qui étaient voilà, c'est pas de l'archive en fait. C'est encore un truc qui doit être maintenu dans la vie quoi, dans la vraie vie quoi. Quoi te dire d'autre ? Que c'était un moment très très fort en fait, un moment où on s'est dit ouais d'accord on comprend et surtout que on a passé l'après-midi à parler et on a passé l'après-midi à essayer de trouver le moyen de faire entendre à ces personnes que ce qu'on était en train de faire ça avait du sens et ces personnes l'ont compris vraiment et cette communion là elle était très très forte en fait, c'est-à-dire que presque même d'ailleurs on a eu des propositions de bénévolat, enfin, on a senti en fait que, alors qu'ils n'étaient pas du tout là-dedans au départ, en fait, que bah, ce qu'on leur proposait, c'était à la fois quelque chose d'assez soulageant parce que il se trouve que quand on est arrivé, en fait, on a ouvert un carton et dans le carton il y avait des photos, puis en fait, bah, il y avait une penderie, puis derrière la penderie, en fait, il y avait, je sais pas, 90 albums photos, en fait. Et que ça nous a vraiment fait peur en fait, et mais on s'est quand même rendu compte que il pouvait pas jeter les photos et en même temps il les prendrait pas, et donc on s'est retrouvé aussi dans cette situation de se dire ben en fait on va être les personnes qui vont vous dire elles vont pas disparaître et en même temps tu vas pas les prendre, donc prends ce que tu as envie de prendre, par contre nous on va garder le reste et puis ensuite ben, on fera le travail. C'était très très fort. De celui d'à côté, le soleil sombre. J'ai ouvert mes applis, j'ai lu des messages, j'ai lu des articles. Mon réveil a sonné avant que l'écran ne s'allume. Indiscipliné, je vis dans un poème urbain où les violences sont les rimes d'un alexandrin mal composé. À l'intérieur, des trottoirs en lutte, des appartements design, des boutiques clean, white cube curatorial. Dans les chimères de la nuit, des vélos d'étudiants et des taxis précaires amènent nos corps à la fête, au boum boum giratoire. C'est le matin, une nouvelle fois ouvert, le soleil passant dans l'arène et sous les fenêtres, mon corps se lève. La clope s'allume. Et la clope se substitue au regard qu'on ne tient pas. Elle maintient nos yeux les uns dans les autres. Elle fume l'absence. Elle dissout les malaises. Elle dilue les angoisses. Nos corps spongieux sont prêts à se tendre, à vider leur eau dans la danse, dans la transpiration, l'hydratation de nos muscles. Les corps sont pleins d'eau au départ, à la naissance, au top départ dans l'eau. Drapeau rouge, drapeau jaune, les corps au top départ sont dans l'eau d'un ventre mou. C'est le matin, une nouvelle fois ouvert, le soleil passant dans l'arène et sous les fenêtres, mon corps se lève. Moi j'ai une question sur le rapport à l'intime en fait. Quand vous allez chez les gens récupérer des affaires, comment vous jugez ce qui doit aller dans un fond d'archives ou pas, et est-ce que l'intime va aussi, comment vous sélectionnez en fait ce qui doit aller à la communauté en fait? À Aide, il y a quelques archives qui sont des archives de l'intime aussi, et qui au début me questionnaient vachement parce que ça sortait complètement du cadre universitaire qu'on m'avait enseigné. On a des lettres d'amour, on a des objets. J'ai plusieurs lettres comme ça de quelqu'un qui dit au revoir, mon amour, je vais bientôt te rejoindre. Enfin, tu sais que la personne, elle est partie il y a 20 ans et tu te retrouves à gérer un truc comme ça qui, dans une association, on a des cartes d'identité, on a des documents d'obsèques, on a des trucs. Je suis désolée, c'est pas la table ronde la plus joyeuse du monde, mais voilà, quand on parle du sida, c'est. Mais voilà, il y a des choses comme ça où c'est de l'intime et ça. C'est un peu du sauvetage quelque part où tu te dis que si ça n'a pas été récupéré, ça disparaît. Donc, en tout cas, dans le cadre de l'asso, on n'a pas vraiment de politique. J'ai déjà fait des collectes de militants. Donc là, pour le coup, pas d'archives qui viennent vraiment de l'association, mais des militants qui m'ont dit si tu ne récupères pas ça, ça finit à la benne en fait. Donc je me retrouve effectivement avec des photos assez personnelles, des choses, des archives de l'intime. Et à partir du moment où la personne fait la démarche de vouloir faire en sorte qu'il y ait une transmission de l'archive, on la récupère en fait. Si elle fait la démarche de venir nous voir, c'est parce qu'elle veut que ces archives continuent à vivre en fait. Qu'il n'y ait pas seulement de la conservation, mais aussi de la valorisation, de la communication et qu'on en fasse quelque chose en fait. Je ne sais pas si je vais répondre justement à la question ou pas, mais... je pense au début, quand j'ai commencé mes recherches, je pense probablement pour chercher un peu de la légitimité dans tout ça, je cherchais genre les actions, les tractages, les occupations, bref, un peu ce qui ressemblait aux mouvements sociaux tels que je les connaissais, en m'imaginant que c'est ça qui allait donner la légitimité à l'histoire de ce mouvement, de ces mouvements. Et en réalité, plus le temps passe, plus la question de l'intime, elle me paraît comme essentielle en fait, parce qu'elle est aussi comme au cœur de nos communautés, et je sais pas, là il y a une archive dont je me souviens qui me plaît comme vraiment énormément, c'est un compte rendu de réunion une rencontre des GLH, des groupes de libération homosexuelle à la fin des années 70, et en soi le compte rendu de la réunion il est vraiment très intéressant, mais sur le côté de cette archive tu te rends compte au fur et à mesure de la réunion que la personne qui est en train de prendre le compte rendu de la réunion est un petit peu déconcentrée, et parce que la veille son amant a passé la nuit avec trois autres garçons, et en fait il commence à écrire sur les marges du compte rendu en disant en fait je suis trop vénère machin, et en fait c'est ça que, en réalité je pense le compte rendu est intéressant, mais je crois que ce qu'il y a à côté de ce compte rendu, c'est encore plus intéressant de voir un petit peu justement ce qui se jouait dans les groupes, de ce qu'ils y avaient, les dynamiques, les émotions, et je crois que c'est ça que j'ai envie de raconter ou essayer de raconter. Roméo, je sais que toi t'as travaillé un peu sur comment on quantifie les archives et tout ça, et je me demande si tu t'es posé cette question là de en fait, qu'est-ce qu'il y a dans les archives qu'on reçoit, qu'on va chercher, et c'est quoi justement la part de dons qui sont des affaires ultra intimes, personnelles, des lettres et tout ça. Pour un peu monter le réseau et donner un peu d'eau au moulin, et puis un peu pour reprendre les outils de l'État nous gère, nous manage, tout ça. Il existe un répertoire qui s'appelle le répertoire national des associations, qui répertorie toutes les associations françaises, et qui est disponible librement. Et en fait, on peut filtrer ce répertoire et avoir du coup une base de données de toutes les associations LGBT de France depuis 1901, parce que la loi association c'est 1901. Et du coup, je me suis dit, bah, à partir de ça, on peut essayer de quantifier la quantité d'archives à collecter en France sur les questions LGBT. Donc on a fait ce travail-là avec l'aide du collectif Archives de Paris. Et on est arrivé à peu près à 2000 associations LGBT référencées dans ce répertoire. Bah, c'est pas mal. Mais du coup, il y a plein de trous dans la raquette. Notamment, bah, il y a tous les collectifs indépendants qui ne sont pas déclarés, ils ne sont pas dedans. Voilà, il y a plein d'initiatives, il y a les entreprises, elles ne sont pas dedans, etc., etc. Bref, donc c'est un peu le haut de l'iceberg. Et en faisant ça, on s'est dit, bon, bah, comment maintenant on arrive à quantifier un peu ce que ça représente en mètres linéaires, du coup, les archives LGBT à collecter en France. Et donc, dans ce répertoire, on a l'année de création, en fait, de l'association. Et donc, on peut estimer, avec une fourchette basse, que chaque association produit, depuis sa création, ben, un petit peu d'archives. Et on arrive à, il y a au minimum 3 km d'archives à collecter, d'archives associatives. Tout ça pour dire que on peut utiliser, en fait, des outils de l'État qui ont été créés pour un peu contrôler, gérer les gens. Et on peut aussi les retourner et les utiliser pour nous, en fait, pour organiser la collecte d'archives. Et dans ces documents, en fait, enfin, on ne sait pas en fait ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir des livres, il peut y avoir des périodiques, il peut y avoir des comptes rendus d'AG, il peut y avoir des flyers, des affiches. Des fois, il n'y a rien. Des fois, parce que l'association était gérée par des bureaucrates, il y a tout. Donc du coup, c'est assez aléatoire et c'est juste une partie de ce qu'on peut dire d'archives LGBT. Il y a aussi toutes les archives personnelles. Il faut garder ces documents soi-même. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de les donner à des collectifs archives non plus. Vous pouvez les garder rien que pour vous et juste se dire vous êtes légitime aussi à les garder et à en prendre soin et tout ça. Et on peut aussi vous aider et accompagner là-dessus. L'idée, c'est vraiment de diffuser et de sensibiliser tout le monde. C'est important et on est légitime à agir là-dessus et à avancer. Salut. Alors, pour continuer dans la bonne ambiance, je voulais partager une anecdote de violence institutionnelle. Est-ce que vous connaissez Rosa Bonheur dans la salle ? C'était une peintre du 19e siècle, une magnifique lesbienne butch qui faisait des immenses compositions de peinture animalière. Donc en parlant d'archives, on connaît sa vie parce qu'elle a écrit son autobiographie et on a un certain nombre de ses archives. Donc son lesbianisme est assez clair. On sait qu'elle a vécu notamment avec deux de ses compagnes. Elle est enterrée avec l'une d'entre elles. Son autobiographie est dédiée donc à sa compagne de l'époque. Elles ont collaboré professionnellement. Tout est absolument clair, il n'y a aucune ambiguïté. À Bordeaux, donc sa ville de naissance, là où je vis, le Musée des Beaux-Arts a décidé de faire une immense rétrospective en son honneur qui a démarré l'année dernière. Et la commissaire d'exposition a très gentiment invité les représentants et représentantes des assos LGBT à une discussion autour de l'exposition. Donc on est tous venus, bien gentiment, pour discuter avec elle. Et la question du jour était, est-ce qu'il faut dire qu'elle était lesbienne et comment en parler ? Le problème étant que comme elle a travaillé avec sa compagne, mentionner sa compagne dans l'exposition sans dire qu'elles sortaient ensemble et prétendre qu'elles sont colocataires de tombe, que le contrat que Rosa Bonheur avait établi du coup avec sa belle-famille, qui est un peu un contrat de mariage, le mariage n'était pas autorisé à l'époque, mais c'est bien écrit dedans, je m'occuperai de votre fille, elle aura telle maison, on sera enterrés ensemble, je lui donnerai mon héritage, c'est elle qui gérera mon œuvre à ma mort. Enfin, tout est exactement comme un contrat de mariage. Évidemment, au bout de 5 minutes, toutes les personnes des assos, on a tous dit, mais évidemment qu'il faut dire qu'elle était lesbienne. Évidemment qu'elle est lesbienne, c'est même pas une question, en fait. Mais bon, merci de nous avoir invités, c'était sympa. Et on est tous repartis. Et puis, ouverture de l'exposition, aucune mention de son lesbianisme, mention de sa compagne en disant que c'était son amie, quoi. Voilà. Le soi-disant débat reposant sur le fait qu'elle a écrit à mon ami, Mais ami au 19e siècle, ça voulait dire autre chose. Voilà, voilà. J'ai profité que vous soyez tous les trois là pour poser une question. Du coup, plusieurs fois dans la journée, les rencontres de Toulouse en 2017 ont été abordées. Au tout début de l'échange, on parlait un peu de... Bah, avant, il n'y avait rien. Là, il a commencé à y avoir un truc. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à y avoir un truc, enfin, et puis, pour faire le lien avec la discussion d'avant, de comment est-ce qu'on se raconte nos propres histoires et là, de ce qui est en train de se passer. C'est fou ce qui est en train de se passer ce week-end. Là, on se rencontre et on est nombreux et on est nombreuses. Moi, je ressens le besoin, c'est peut-être très personnel et tout ça, mais de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant ce week-end-là et qu'est-ce qu'il y a... C'était quoi les discussions? C'était quoi l'envie à Toulouse? Et avec quelle croyance vous êtes parti en disant « Ok, il va y avoir des gens que ça intéresse ». Pour Toulouse, donc les rencontres, c'était février 2017, je crois, si je me souviens bien. Et en fait, l'année précédente, aux UEH, donc, dont on a parlé tout à l'heure, l'Université d'été euro-méditerranéenne des homosexualités, à plusieurs personnes, en fait, on avait organisé comme ça un atelier autour des histoires, enfin de nos histoires, des histoires du mouvement dans les années 70 et 80. L'atelier a été comme relativement passionnant et on s'était dit, vas-y. Demain, on organise un atelier sur les archives. Sauf qu'on était à la fin des UH, on était un petit peu fatigués, et effectivement, le lendemain matin, on était comme trois à cette discussion. Et on s'est dit, bon, peut-être c'est pas le moment, c'est pas le cadre, mais en tout cas, on s'est dit, vas-y, en fait, l'attention, l'émotion qui nous a prise pendant l'atelier de la veille a fait un truc de l'ordre de... En fait, on est nombreux, nombreuses à s'intéresser à ces questions. Plutôt, on avait l'impression qu'on était chacune hyper seul de notre côté avec tout ça. Et on s'est dit, vas-y, on tente, on organise des rencontres à Toulouse dans 6 mois. Et on était trois personnes de trois villes différentes à essayer d'organiser ça. Et je pense, en vrai, on savait pas trop ce qu'on était en train de faire. Si ce n'est qu'à un moment donné, on a essayé d'écrire un texte qu'on a essayé de lancer sur des listes, différentes listes, en appelant les personnes qui s'intéressaient à venir soit proposer un atelier, soit venir juste participer à ces rencontres. Et on s'est retrouvé effectivement, on était une trentaine, une quarantaine, à l'Obs, un squat toulousain. Juste essayer encore une fois d'aimer le mieux et d'aimer plus. Détruire si l'on veut le toi et le moi, construire le nous qui le voudra. Mais le nous n'existe pas si les prédateurs nous entourent. Le nous n'existe pas si les prédateurs nous entourent. Alors je te gomme sur Photoshop, je te dégomme sur le dance floor. Je te gomme sur Photoshop, je te dégomme sur le dance floor. Encore une fois, les icônes meurent comme c'est mignon. Et ma famille, la dépression. Besoin d'écrire, besoin de dire. Que l'on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. On te déteste. Tu es parti, toi qui attends que ton tour passe. Les agresseurs dans nos vies, c'est un fast-food dégueulasse. Vous êtes partout, alors on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. Et on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. Trouver l'amour dans la basse-cour, trouver du temps pour faire l'amour. Les loups entourent nos corps de rêve, alors on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. J'avais bien une question, c'est à quel point finalement les chercheurs ont, entre guillemets, des privilèges pour accéder à ces fonds, à public, tout ça, et par rapport à quelqu'un qui ne travaille pas dans la recherche et qui n'a pas ce statut-là, quoi. Bah, ça ouvre des portes, mine de rien. Et ce que j'ai connu personnellement, c'est que tu arrives, tu dois présenter, tu dois montrer un peu patte blanche. Tu présentes ta carte d'identité. Oui, c'est vrai. Il y a déjà la question de la carte d'identité. Donc c'est super quand tu es en transition, par exemple. Voilà. Et tu dois expliquer aussi quel type de recherche tu fais. Enfin, ça peut être compliqué. Après, quand c'est des archives publiques, en théorie, il y a toute une démarche qui fait que potentiellement, toutes les archives publiques peuvent être communicables, mais dans les faits, ça peut être très compliqué. Beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui vont faire freiner, à moins d'avoir un projet en tête, c'est assez compliqué. À la préfecture de police, tu dois demander en fait l'autorisation de consulter les archives. Et pourquoi on parle de la préfecture de police ? Parce qu'avant les années 80, y a plein de ressources sur les personnes LGBT dedans. Il n'y a pas vraiment eu de fichiers, mais il y avait une surveillance sur les personnes homosexuelles, trans dans les années 70 et avant. À la BNF, par exemple, tu dois montrer ta carte étudiant et être au moins en Master 2, sinon il faut avoir une lettre de recommandation pour accéder à la section recherche. Ou tu as des documents du phare. Donc oui, il y a des documents du phare à la BNF, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, mais c'est compliqué d'y accéder. Tout est flou parce qu'on ne sait pas où et quoi, parce que les institutions, il est hors de question qu'elles créent un moteur de recherche LGBT, parce que tu comprends, elles sont neutres et pour tout le monde. Enfin bref, c'est que des choses comme ça, en fait. Et du coup, c'est aux associations, aux militants, aux collectifs de s'emparer aussi de ces questions-là, de ces politiques-là, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Il faut que ce soit nous qui le faisons. Comment on trouve les archives qui n'est pas seulement queer, mais aussi, par exemple, anticarcérale ou contre les frontières et par exemple, syndical. Comment, par exemple, pour ton recherche, est-ce que tu es regardé, par exemple, les archives des syndicats? Et aussi, moi, je me demande beaucoup sur la question d'utiliser les archives de police. Je comprends pourquoi, mais après, bon, par exemple, c'est beaucoup de lettres écrites par le prisonnier qui sort sur la question queer. Est-ce que ça s'est recruté? Est-ce que, par exemple, dans bon, tout le toit, est-ce que vous avez vu les lettres? Parce que moi, je vois quelquefois le zine anticarcérale queer dans les archives, mais par exemple, je n'ai jamais vu une lettre d'un prisonnier en cul pour je ne sais pas quoi. Et du coup, je me demande un peu, oui, comment aussi, personnellement pour moi, c'est très important que la lutte, c'est... C'est pas singulier, c'est jamais singulier. Et du coup, comment on fait une sorte aussi qu'on ait une discussion aussi, les archives queer avec les autres luttes, et que aussi les archives queer ne fait pas juste seulement intime, que je trouve que c'est tellement important, je ne dis pas ça, mais juste que pour moi, c'est tellement important qu'on montre autre chose aussi. Et, ouais. Alors, pour ce qui est des archives de la police, plutôt ce qui m'intéressait, ou en tout cas ce que j'ai trouvé dans ces archives, c'est la surveillance en fait. C'est les keufs, c'est les RG qui observent les manifs et qui disent un peu n'importe quoi. Tu parlais des syndicats. J'ai tenté d'aller aux archives de la CFDT parce que plutôt comme la CFDT, comme autogestionnaire dans les années 70, j'imaginais qu'il y aurait pu y avoir comme des archives un peu intéressantes et en vrai, il n'y avait rien. Enfin vraiment, il y avait trois tracts pour une décennie, quoi. Même un syndicat qui aurait pu être un peu proche ou qui supposément était proche des revendications des mouvements dans les années 70 et 80, ben en fait ils n'ont rien. Si nous, on ne garde pas les traces de nos histoires, de nos luttes, de nos vies, en fait personne ne le fait pour nous. Ok, DJ. Je crois que ce soir, on a réussi à transformer nos chambres et nos salons en dance floor. Je crois que ce soir, c'était le grand soir et que le dance floor est une obligation, une nouvelle religion. Je crois que ce soir, c'était le grand soir, que le dance floor est une obligation, une nouvelle religion. Please, please, évacuez-moi. Évacuez-moi de ce salon. Ce salon est à évacuer. Il faut laisser le son dans les coins. Il faut laisser les corps au loin. Et danser, solo, solitaire. La chambre est un dance floor. La chambre est le nouveau dance floor. Je suis contaminé, qu'on me désinfecte les doigts et les cheveux et les yeux. Je me sens crispé et tout cassé. Évacuez-moi de ce salon. La police me regarde, la carte vitale me fait les yeux doux. Je suis sous admin, administratif. Je suis dans le camion, direction l'extérieur, dans le chantier de ton cœur. La sécurité incendie me résiste et la sécurité sociale me déteste. Emmène-moi en lendemain. Emmène-moi en lendemain. Emmène-moi en lendemain. Dans mon cœur et ma vie tu glisses. J'ai de la place pour toi dans tous mes orifices. Dans mon cœur et ma vie tu glisses. J'ai de la place pour toi dans tous mes orifices. Caresse le beat. Frôle-moi la langue. Serre-moi fort. J'y suis, j'y reste. Vous venez d'écouter la table ronde Archives égale vie qui a été enregistrée en juin 2023 pendant les premières rencontres du réseau Big Data, réseau de centres d'archives et de bibliothèques queer et féministes. Les pauses musicales sont des extraits des performances poétiques avec Rose Garçon de la nuit Brasero Poétique. Si ça vous a intéressé, vous pouvez aller faire un tour sur le site bigdata.org où vous trouverez plein d'informations. Vous pouvez aussi aller écouter la table ronde de 2023 Archives égale lutte et écouter un reportage en immersion pendant les rencontres Big Data 2023 à Grande Zéro. Tout ça, c'est sur radiorageuse.net, toujours dans les Tati Geeks. La rubrique des petits conseils d'auto-soins numériques des Tati Geeks.